mercredi à Assemblage Requis. Après l'Assemblée Générale de l'AGE et de Sifou sur le Campus qui a lieu au 10-12 Néré-Beauchemin aujourd'hui à 11h30, on parle de ce qui s'en vient pour vos médias étudiants sur le campus. Et on se renseigne sur un autre mythe du rock'n'roll avec Simon Fitzbay et sa chronique Paul is Dead. Mercredi, 15h.